quoi déjà ces dièses mineurs? C'est sûr? Je sais pas, je propose des trucs. 2, 3, 4. Ça, celle-là, j'ai jamais fait la guitare. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à la jouer. Ouais, choisissez une chanson. Et vous êtes tous français là? Bon, on fait n'importe quoi. Un truc. Bah oui, mais faut me dire, faut me donner des idées quoi. J'ai toujours mon petit volume 3 de Diapason avec toutes les mêmes chansons. Ah, je m'entends. Je m'entends chanter. Le ciel bleu. Satisfaction.